L'émission Girondin Analyse, c'est tout de suite sur RIG à Bordeaux en 90.7 FM et sur girondin33.com. Essayer de s'infiltrer et démobiliser Jean-Pierre Papin pour ce premier but. Avec ce ballon et cette reprise peut-être de Johan Mikou, la frappe et c'est but. Chalmé, ce sera pour Cavani. Avec Gourcuff, oh deux fois, oh, Allez, on est de retour dans Gironde Analyse RIG 97 FM, RIGFM.fr. On est ensemble encore pendant 45 minutes, 48 minutes jusqu'à 23h. On va d'entrée attaquer plein fer. Oui, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Bah, ton micro, qu'est-ce qu'il a? Ah, ok, d'accord. On va donc continuer. On va terminer cet après-match de Bordeaux-Metz. On va vous pouviez, j'ai les résultats, ils sont là. Vous pouviez voter donc pour le banderole et pour l'Anonymous, anciennement le bide du match. On vous a proposé le petit sondage sur Twitter. Alors, vous aviez en possibilité pour élire le banderole, à savoir grosso modo le joueur que vous avez préféré. Et c'est marrant, et c'est là où on s'aperçoit que les gens n'ont pas forcément la même vision que nous. Tu sais que j'ai failli pas le mettre, Malcolm, parce que je savais qu'il serait élu. Alors, il y avait le choix entre Valentin Vada, Younous Sankaré, Lerager, c'est quoi son prénom? Lucas Lerager et Malcolm, on ne connaît pas son prénom. Donc, le dernier est arrivé quatrième de ce sondage avec 6%, c'est Valentin Vada. Ensuite, il y a Sankaré à 19%, Lerager à 35% et 40% pour Malcolm, qui avait obtenu la note de 6,5-6,30 par la team GIA. Donc, Malcolm a été élu banderole du match, à savoir meilleur joueur. Bon, alors après, on pourra en débattre pendant des heures dessus, mais... voilà, c'est vrai que ça se jouait en marque entre le Malcolm et Lerager, je pense. Bon, voilà, après les gens, ça se joue qu'à 5% non plus. Y a pas ouais, mais si tu veux, en fait, je me suis dit, quand j'ai mis Malcolm, mettre Malcolm maintenant, ça veut dire quoi? C'est mettre Malcolm au moment où tout le monde veut absolument qu'il reste, au moment où il monopolise le mode chouchou. Je pense que on aurait mis tous les joueurs, Neymar et Malcolm, et on aurait eu Malcolm. J'ai bien mis des notes. J'ai failli avoir le choix entre lui et Jovanovic. Franchement, pour décider, j'ai pris ma note. J'ai pris la note de Jovanovic et je me suis dit laquelle des miennes est la plus cohérente. J'ai vu à qui j'enlèverai un demi-point en fait. Sachant que j'avais déjà sanctionné Malcolm pour d'un demi-point à cause de sa passe non faite, j'ai mis Malcolm. Mais c'est vrai que les deux joueurs avaient cette note de 6,31, pour être précis. Et voilà, c'était assez compliqué. Si on n'avait pas mis Malcolm et qu'on avait mis Jovanovic, Lerager aurait été loin devant. Il est l'homme du match, loin devant toutes les notes. Tout le monde lui a mis au moins 7, à part Cyril, qui a mis 5,5. À qui? À Lerager. Mais parce que j'ai pas trouvé bon. Oui, bah, voilà, certes. C'est une bonne note pour ce match-là. Ce moment du match à 6,5. Oui, oui, et tous les joueurs ont 5,5 ou 6. Non, mais c'est pas une critique. Moi, je mets pas de 8, parce que honnêtement, c'était pas Bordeaux-Milan AC. J'ai pas mis de 8 non plus. 7, c'est ma meilleure note. Voilà, il a quand même personne. Contrairement à d'autres, je sais voir des bons matchs et des mauvais matchs. Personne ne lui a mis moins de 7, donc à part Cyril. Ça dénote aussi quand même que tout le monde avait apprécié ce match-là. Après, si on va sur Malcolm, il tape beaucoup de 6,5, de 7,5, de 6. Il dépasse, voilà. Il est plutôt dans la moyenne du 6,5, ce qui donne cette note. Mais voilà, il n'y avait rien à dire. Lerager a eu... personne n'a eu plus de 7, et lui, oui. Donc pour GA, c'était réellement l'homme du match, sans aucun doute. C'était, vous vous souvenez du débat qu'on a fait, est-ce qu'il faut faire jouer les Sudam de suite ou pas? J'ai vu Gourvennec dans son interview partager ce que je disais. C'est délicat quand on fait du management de faire rentrer ceux qui sont de suite, parce qu'on voit le match de Lohrager, on voit le match de Sankaré, on voit le match de Vada. C'est Vada qui débloque la situation. Les trois ont pas démérité et devaient pas démériter déjà à Angers. C'était logique qu'ils soient confirmés. Est-ce qu'ils le seront contre Lyon? C'est moins sûr. Pas tous. Mais je pense que ça dépend de l'entraînement de chacun, de la forme physique de chacun et de l'impact physique de Lyon aussi à quel on va vouloir répondre. Non, si ça tenait qu'à moi, on verrait le même niveau. Tiens, rapidement, avant de passer à l'anonymous, juste un truc, la gestion de Gourvennec, de Cafu et de Otavio. Alors, on se posait beaucoup de questions en début de match. Est-ce qu'ils seront alignés les deux? Est-ce qu'il en alignera qu'un? Est-ce qu'ils joueront? Est-ce qu'ils joueront pas? Au final, aucun des deux n'était titulaire et Cafu est rentré une petite demi-heure ou 25 minutes, je crois, en fin de match. Vous, sans parler de la performance, parce qu'on en a un petit peu parlé de Cafu, puis c'est dur de juger un garçon sur 20 premières minutes. Mec, c'est son premier bout de match, donc voilà. Mais dans l'ensemble, je pense qu'on a plutôt tous un bon premier ressenti. Mais juste sur vraiment la gestion, est-ce que vous avez été frustré de ne pas voir les deux en même temps, débuter, pas débuter? Non, parce que l'avis de Marc, comme il disait lors de l'émission précédente et qu'il vient le redire maintenant, il a tout à fait raison. Dans un management, quand tu as des joueurs qui arrivent, c'est un peu délicat de les intégrer directement. Nous, forcément, on sortait d'un match un peu frustrant d'Angers, où on pouvait aller légitimement nous dire bon, voilà, on était moyennement satisfait, donc on aurait aimé voir Otavio débuter ou Cafu rentrer en jeu. Au final, on a eu Cafu qui est rentré en jeu, qui a montré de belles choses, à confirmer. Je pense, et c'est un avis personnel, que Otavio jouera samedi contre Lyon afin de faire monter les Rager aux côtés de Sankaré. Cafu ne jouera pas titulaire d'entrée, mais je pense que Camano a quand même chaud aux fesses. Moi, je me pose la question, est-ce que justement le remplacement qu'on va avoir, c'est pas celui de Malcolm Camano? De Camano plutôt. Tu verras pas justement, pour pas déstabiliser ta défense, tu ne verras pas Otavio. Par contre, ton attaque, je pense que tu vas la déstabiliser. Il va y avoir pas mal d'entraînement d'ici samedi. Il y aura deux huis clos. Peut-être que Otavio sera tenté devant la défense. Je pense que le mec est en jambes. Ok, il y a une histoire de décalage horaire, il y a une histoire de décalage de langue, une histoire de culture, ce que tu voudras. Mais le mec, s'il est là, il a été pris, il est en forme, il va jouer. Et après, c'est un coup de poker. Est-ce que Gourvennec va tenter le coup de poker et risquer contre Lyon de faire jouer? C'est risqué. Mais c'est aussi risqué de faire jouer tout la langue. Alors, c'est à l'extérieur, tu te dis, bon, pourquoi c'est peut-être moins de pression qu'à domicile. Mais c'est Lyon. Après, tu vois, quand j'ai vu le match, je me suis... Tu sais, moi qui en ai marre de voir Vada sortir, etc. Là, j'étais surpris. Là, je voyais qu'il se calme à 81e, je sais pas ce qu'il a pris. On a posté au fait sur Twitter les notes journalistes. Oui. Mais je me suis dit, bon, mais voyons voir ce qui va se passer. Wait and see. Et quand je vois Vada sortir à 80e, je comprends pas l'entrée de Plasil. Oui, alors moi, je me demande. Il y a 2-0, Plasil va pas te changer match, tu vas rester sur le même truc. Autant faire monter le Rager d'un cran, si tu dois sortir. Et faire entrer Otavio. Et faire entrer Otavio pour l'intégrer. Exactement. C'est même pas pour. Après, tu envoies aussi un mauvais signal à celui que tu sors. Celui que tu sors, tu viens de lui dire, mais mec, quand je vais le mettre, tu seras plus sur la pelouse. Donc, il y a un. Niveau managérial, c'est difficile. Mais voilà, je lui aurais donné du temps de jeu. Je lui aurais donné du temps de jeu là-dessus parce que je conçois que c'était le moment de l'intégrer. Pour revenir à Cafu, c'était rentré d'où Brésil. Personne connaît Cafu dans le stade, on est bien d'accord. Non, à part 2-3 qui suivent le championnat bulgare. Non, moi je l'ai vu à un match contre le PSG. Bah voilà, j'allais dire, on l'a vu deux matchs aller-retour contre le Paris Saint-Germain. J'ai lu plein de spécialistes du championnat bulgare sur Twitter et Facebook depuis deux semaines. Gens qui ne parlaient jamais pourtant de la Bulgarie, mais ils étaient spécialistes bulgares qui te parlaient beaucoup de Cafu, pourtant dire que du bien, bien évidemment, ou que du mal, hein, jamais d'avis neutre. Et quand il est rentré, tu avais l'impression que tu faisais rentrer Zidane sur la pelouse, c'est-à-dire que tout le monde s'est levé, tout le monde applaudit. Bon, c'était pour l'encourager, quoi, tu vois. Non, mais c'est génial, c'est génial, je trouve, c'est la très bonne attitude. Maintenant, faites ça pour tous les joueurs, parce que je ne suis pas certain. Que si on avait sorti de la bord, tu vois, premier match de Mendy et qu'on fait rentrer Mendy, il y ait des tonnerres d'applaudissements comme ça. C'était. T'avais l'impression qu'on faisait rentrer une star brésilienne. Ouais, il y a le côté Brésil un peu, tu vois, un peu. Oui, voilà, voilà, mais un c'est peu un petit peu comme les premiers matchs de Mendy. Samba de Brasil, voilà. c'est très bien, mais tu vois qu'au final, c'est pas parce que c'est un nouveau joueur qu'on applaudit. On applaudit pour la simple et bonne raison, parce que c'est Brésil, parce que c'est technique, parce qu'on te l'a vendu comme ça, et que... à samba, c'est gâté. Voilà, donc... c'était... moche. C'était gênant. Gênant, c'était ce qui était maintenant, voilà. Mais bon, tu... j'ai trouvé ça un petit peu trop exagéré. J'ai l'impression que tu avais fait rentrer le joueur de l'année convoité par tous les grands clubs. Bonne chance à lui, il a montré des choses très intéressantes, il a cassé quelques reins, il a eu un positionnement totalement hasardeux sur le terrain, ce qui me fait penser qu'il jouera peut-être pas contre Lyon, parce qu'il va falloir qu'il se calme. Alors il a beaucoup, parce que Malcolm aussi, alors on en a moins parlé, mais en ayant revu le match, Malcolm a beaucoup croisé aussi avec... mais c'était très, c'était très substance, c'était genre... Et on est passé des cafous, je me souviens l'avoir vu à vos côtés de Malcolm pendant 2 minutes. Oui, ah oui, que tu battes, c'est le pauvre Lorager qui se retrouvait en bord de ligne. Alors après, c'est moins gênant si au milieu on arrive à couvrir... Par contre, il va falloir couvrir parce que contre Lyon, ça, je pense que Pelnard qui joue à gauche, il va en chier. Voilà. Quelqu'un d'autre sur la gestion de Otavio et Cafu, sinon on passe au. À noter que depuis 21h, Marc a réussi à prononcer le mot Otavio et non Octavio. C'est vrai ? Ouais. Mais et toi, tu as fait que. T'as fait un sans faute. Bah écoute. Ah, si. Comme ça quoi. Va. Je vais faire exprès de me tromper. Tout est possible, tout est réalisable. C'est le jeu de la vie. Adrien sur Cafu, Otavio. Cafu était bien géré, Otavio. Je poursuis sur ce que je dis. Il commencera contre 3 et voilà. Cyril sur la gestion ou pas. Sinon on passe à la suite. Je m'en fous. Clairement, ça m'intéresse pas. C'est pas moi de gérer le coach, gérer le banc. On va passer donc à l'élection de l'anonymous du match. Alors pour ce match-là, parce qu'on a quand même eu du mal à ressortir 3-4 noms vraiment de mecs qui ont été vraiment pas bons. Donc, on a dit on va prendre Même sans ça, on a dit que pour être dans le vide, les notes. Il fallait avoir moins de 4,5. Voilà. Si jamais il n'y a que des 4,5, ils vont y être. Hein. S'il y a un 4,6, il va y être. Et c'est vrai que sur ce match-là. Mais là, comme tout le monde a plus de 5,5, qui est normalement la note pour entrer dans les bons drôles, parce qu'en fait, entre 4,5 et 5,5, vous pouvez intégrer rien du tout. Mais au-delà, vous êtes dans les bons. Vous pouvez être dans les bons drôles si vous faites partie des 4 meilleurs. Et si vous êtes en deçà, vous pouvez être dans les 4. Mais bide, bon, il y en a un qui s'appelle les 4 Anonymous. Voilà, si vous êtes dans les 4 pires, là il n'y en avait pas. Le plus mauvais c'était Mandy avec une note de 5,5. Donc, c'est vrai que Camano était mieux noté que Mandy. Pas de beaucoup. Si tu sais que 5,8 contre 5,5, c'est la grande différence. Mais voilà, donc personne n'était. Donc je me suis cassé la tête pendant 10 minutes, je vous avoue, pour trouver des trucs drôles. Alors, et c'est pas drôle. Moi, il y en a. Bah, en fait, c'est pas forcément non. C'est des trucs qui ont un peu quand même dénoté. Mais il y a un truc qu'il faut que tu m'expliques parce que je la comprends pas en fait. Donc il y avait 4 possibilités. Le bon match de l'arbitre, c'est vrai que. Bah, on le cherche toujours en fait. Hein. J'ai failli dire le chien de l'arbitre. Alors, j'ai pas voulu emmerder les pour chiens, avoir revu le match cet après-midi, il y a beaucoup de fautes qui, nous en tribune, nous paraissaient un peu scandaleuses que j'ai revues et qui au final le sont pas parce que. On est dans le stade, on s'emporte, on n'a pas les ralentis. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, il a été un petit peu moyen. La rentrée. Non, c'est pas ça, c'est-à-dire qu'arrive un moment, arrête de siffler tous les 30 secondes pour un tout petit accrochage. C'est vrai que c'était haché. Ouais, c'est vrai que c'était très haché. Donc il y avait le bon match de l'arbitre, la rentrée d'Otavio, qui n'a jamais eu lieu. Les masques, justement, les fameux masques Anonymous sortis par le virage pour le tifo et puis tout au long du stade et à la fin pour le clapping avec les joueurs. Alors ça, faut que tu m'expliques, Marc, parce que j'ai pas compris. La Malcolm passe pour le 3-0. Alors là, j'ai pas compris. La passe que Malcolm ne fait pas pour Sankaré ou la borde pour marquer le 3-0 dans un but vide. Ah voilà, oui, parce que la Malcolm passe, je comprends. Mais si tu veux, la passe de Malcolm, il me manquait deux caractères. Parce qu'on peut pas rentrer ce qu'on veut. Passe, t'es limité. Donc, la Malcolm passe, ça me paraissait le truc le plus compréhensible pour que les gens comprennent. D'accord. Par contre, les mecs, ça serait cool quand on fait des sondages que vous les relayiez sur les réseaux sociaux parce qu'il y a eu 2 retweets. GA s'est proprement retweeté et moi. D'accord, je comprends rien à ce que tu viens de dire, mais je suis d'accord. Non, mais il faut que vous retweetez, c'est pas une. Moi j'ai retweet tout sauf que j'étais pas sur Twitter de la journée. Donc 13% des gens. Tu te démerdes. S'il vous plaît, 13% des gens ont voté pour le bon match de l'arbitre, 22% pour la rentrée d'Otavio, 30% pour la passe de Malcolm et donc 35% pour les masques. Du virage, c'est vrai que c'était une bonne idée. Enfin, c'était un bon thème, je trouve. C'était un bon thème. Vous avez pu craquer des fumis sans vous faire niquer. Et puis la photo, je redis, mais la photo du clapping à la fin avec les joueurs de face et les masques, elle pète quand même pas mal. Les ultras vont avoir du mal à dire qu'ils n'allument aucun fumis quand le tifo, c'est quand même un mec. Huis clos ou pas? Ah bah là, non. Il y avait une menace de huis clos. Oui, mais c'est reporté d'une saison à l'autre. Ah ben je pense. De la tribune possible. On verra bien. Mais par contre, ça a même fait un article. Ça a même fait un article sur l'équipe. Mais fais-toi qui ferme pas tout le stade. Oui, les masques des joueurs. Que j'ai payé était à ce alors que moi, je pense. Ce qui m'a beaucoup fait aimer, c'est que tu as vu ceux qui savaient pas ce que c'était sur la pelouse, ceux qui trouvaient ça drôle. Et ceux qui n'avaient pas du tout, la référence. Du tout envie de le mettre. Parce que sans carré, je crois qu'il a mis le masque, mais alors pas du tout avec de la bonne volonté. Non, c'est il n'a pas mis du tout, je crois. Bah, si, bon. il a mis. Ils l'ont tous fait, mais alors il a mis à contre-cœur, c'était ouf. Je sais pas, peut-être qu'il aime pas les animaux. Peut-être qu'il n'a pas compris la référence. Mais après, imagine, bon, moi, c'est pas trop ce que je pense, mais si tu es contre le mouvement Anonymous. Mais il y a des joueurs qui n'ont pas compris. Pelnard l'a dit lui-même en conférence de presse, il n'avait pas la référence. Alors, au-delà même des Anonymous, c'est quand même à la base un film, une BD, un film, CV pour Vendetta. Mais il n'avait pas la référence. Il dit, je sais pas quoi, on m'a dit que c'était les Anonymous, mais je sais pas à quoi ça correspond. Genre, ah, gamin, on t'aurait fait porter alors n'importe quel truc, tu l'aurais eu quand même. Que tu sois vraiment contre ce mouvement, ouais, je peux comprendre, ça te fait chier de mettre le masque. C'est clair. Maintenant. Ça allait au-delà du mouvement Anonymous, c'était plutôt une image de ce que ça de ce que ça, représentait ça le personnage dans le film de V pour Vendetta, la soumission, tout ça. Oui, voilà, et puis donc et comme ça on pouvait craquer des fumis sans rien faire. Voilà. C'est ce que je dis maintenant, les ultras vont avoir du mal à dire que eux ils allument rien dans leur stade quand le tifo c'est quand même un mec avec le masque des Anonymous et puis deux fumis dans le ouais, bah, c'est un hasard qu'il y a derrière il y a des hasard. Fumis craqués. C'est le pur hasard. Vous savez, on ne demandera pas aux ultramarines de s'expliquer là-dessus. Les coïncidences des fois dans la vie. Les coïncidences des fois c'est ouf. Heureusement qu'on ne demande pas à Gibbs ce qu'il en pense sur les coïncidences. C'est qui Gibbs? Ah oh, putain, MCS, vous parlez de tout. Ah oui, oui, bah oui, oui, oui. Alors, les enfants, on va passer à la suite. Est-ce que quelqu'un, avant qu'on passe à la suite, a quelque chose à rajouter sur ce match? Oui ou non? Non, merci. Non, un, je pense qu'on a deux, fait le tour trois, à dire une adjugé, vendu. Alors. Ah. Kamano qui fait sa passe D, alors c'est. C'est une bien. Passe D, ça? Bah oui, vu que. Non, si. Là, il y a tout qui est une passe D. Quoi, parce crée... que... Attends, attends, laisse-le terminer. Il y a la passe, mais c'est lui qui crée le mouvement avec son appel et tout ça. Ok. Et derrière, il a une semi-occasion, voilà. Mais qui est presque la plus intéressante de la deuxième mi-temps, hormis le but. Donc, Kamano doit s'améliorer, surtout sur ses dribbles à l'entrée de surface. Par contre, sur le repli, finalement, c'est pas lui qui était le moins discipliné. Surtout en seconde mi-temps, Malcolm, ça commençait à être un peu léger sur le repli, à ne pas tout faire. Donc, il faut aussi qu'il soit rigoureux. C'est un mal récurrent chez Malcolm et je pense chez les ailiers en règle générale, chez les Girondins. Il y a le repli défensif, ce premier rideau défensif qui n'est pas effectué et Malcolm en est le spécialiste et ça devient. Gênant Savali aussi. Voilà, ça devient gênant parce que du coup, Savali, c'est vrai qu'on lui tape un peu dessus, mais s'il se retrouve souvent tout seul à faire le taf défensif, bon, c'est ce qu'on lui demande, mais. Ouais, moi, personnellement, ça commence un petit peu à me gonfler pour dire ça de manière très polie. Voilà. Voilà. Enfin, moi, je m'en fiche, honnêtement. Repli défensif. Si, ça peut être intéressant. À partir du moment où tu domines, voilà, c'est un collectif. Oui. Normalement, quand ton latéral monte, c'est ton 6 qui se retrouve entre tes deux défenseurs centraux. Quand t'as le ballon qui repart de derrière et que t'as Malcolm qui marche, qui fait pas son travail de premier défenseur, mais je suis désolé. Malcolm, c'est pas le seul à marcher. Oui, non, mais d'accord. Mais le premier défenseur, c'est l'attaquant. Voilà, c'est l'attaquant. Et moi, on m'a appris ça dès que j'ai commencé à jouer au foot. Faisait défoncer par mon entraîneur quand je le faisais pas, et ben Malcolm, je suis désolé, on lui accorde un peu trop de crédit à mon goût. C'est pas le seul à marcher au repli défensif. Pour ne pas faire de publicité, je suis en train de dire Kamano fait pareil. À une ancienne. Ah, mais chaîne, y a même pas que Kamano, tu vois. De supermarché. Un gars qu'on trouve très combatif, Alexandre Mendy, marche pour le repli défensif. J'ai dit les trois, hein. Mais tous, hein. Ce qui est valable pour un, valable pour les autres. Pour ne pas faire de publicité, hein, souvenez-vous de ce fameux slogan, la meilleure défense. C'est l'attaque. Voilà. On peut le citer, il n'existe plus aujourd'hui. Hashtag référence de vieux. Messieurs, avant de continuer l'émission, on accueille au téléphone une demoiselle. Bonsoir, demoiselle. Putain, arriver là-dessus, c'est compliqué. Ça va, Lise ? Ça va très bien, et vous ? Ma foi, il doit faire 88 degrés dans le studio, bonsoir, mais on est bien. Lise. Chez moi, c'est pas mieux, je te rassure. Oui, mais toi, t'es toute seule, nous, on est 7. Après, moi, ce que vous faites entre vous, ça vous garde pas. Au moins, il y a une fille. Oui, ah non, il y en a deux. Oui, mais il y en a une, elle est au téléphone, c'est un peu compliqué. Il y en a une en vrai. Alors, Élise, on va parler, s'il vous plaît. On va parler. Non plus. Accessoirement. On va enchaîner sur la suite de l'émission. Je reprends le programme que j'avais lâché en cours de route. Voilà, donc débrief Ligue 1 rapido avant de passer au Carolane et au Sekiki. Oula, je sais pas si on va avoir le temps de tout placer, mais on va au moins parler de la Ligue 1. Non, tu dois parler. Si tu préfères qu'on parle de Roland. La Réunion. Non, si tu te souviens de la Réunion, tu ne parles que des. Oui. Concurrent direct, oui, déjà. Tout à fait. D'ailleurs, je sais pas pourquoi on a Lyon et Marseille dedans, mais on va quand même en parler. Alors, les équipes qui, en théorie, avec qui en théorie on devrait, si tout se passe bien et qu'on passe pas à travers, lutter pour là entre, on va dire, quatrième et. Oui. On va réexpliquer aux auditeurs. Oui. On se base sur la saison dernière en ajoutant certaines équipes. Donc on a joué comme Lille, par exemple Lille, à cause de son mercato. Donc à l'état du début du championnat et des premiers matchs, parce que c'est pas deux matchs qui changent réellement la donne, on juge ces équipes là après, en septembre, octobre, novembre, quand ça va oui, on réajustera en fonction de qui, avec qui on est à la lutte. Si on a la lutte pour la 15e place, on voilà, on changera, on changera les adversaires. J'ai toujours rêvé de lutter avec Caen. Bah t'es pardi, mais méfie-toi, hein. On sait jamais. Mais le classement actuel d'ailleurs des Girondins, 6e avec déjà Paris, Monaco, Marseille, Lyon. Saint-Etienne. Et là pour vous, c'est chez lui face à 3 de Buzyn. Ça là, je pense que pas grand monde l'avait vu venir. Lyon qui s'impose à Rennes. On peut considérer que c'est somme toute logique. Strasbourg surtout, contre Lille. Lille qui perd à Strasbourg 3-0. Marseille. Oh, il était magique ce match. Alors, voilà. Il était extraordinaire. Alors, ce match du dimanche après-midi. Résultat relativisé, parce que au vu de ce qui s'est passé. Un petit peu le son de notre chère Élise, parce que là, c'est en train de me défoncer. Voilà. C'est mieux comme ça. Ça, si tu veux quand même parler, déjà qu'elle a la voix aiguë, ça sature un peu dans les aigus. Non, mais c'est moi, j'ai monté. C'est horrible. J'ai trop monté le bouton. Oui. Ça fait longtemps que j'ai pas parlé avec Marc, qui m'accueille comme ça. C'est vrai. Non, t'as vu, j'ai dit c'était pas ta faute, j'ai dit que c'était ta faute du pote. Non, c'est ma faute à moi. Résultat de Lille a relativisé les enfants. Au vu des faits de match qui se sont. On n'utilise rien du tout. Je suis désolé, il y a deux blessures. Bielsa qui fait un changement à la 30e parce qu'il est Bolotero et il ne le veut pas. Et t'as Maignan qui est débile comme jamais, qui balance un ballon sur la tête de joueur. Ce que je veux te dire, c'est qu'à 11 contre 11 pendant une heure et demie, peut-être que Strasbourg ne gagne pas 3-0. Ouais, peut-être, mais bon, ils se bouffent leur. Oui, ils se bouffent leur. Et accessoirement. Mais c'est clair, ils se bouffent tout seul. Oui, mais avant ça, je suis désolé, mais ils n'ont jamais trouvé la faille pour mettre un but à Strasbourg aussi. Donc à un moment donné, quand t'as un Pierre Ménès qui te dit sur Twitter que normalement, je veux pas vous décourager, les amis strasbourgeois, mais vraiment, une boucherie, je vois bien le Lille de Bielsa vous mettre une branlée, ben, accessoirement pendant une heure, ils ont par contre, le Lille qui a twisté Nantes, c'était quelque chose le premier match. Et attention, vu qu'en première mi-temps, ils avaient failli prendre un but hein, quand même. Et après, vu que s'il n'y a pas barre transversale, ils sont menés 1-0 à la mi-temps et ça change peut-être la donne. Après, pour relativiser aussi Lille, la semaine dernière, Nantes est surtout très bien passé à côté aussi. Ils sont carrément passés à côté de la semaine dernière. Et Nantes va passer à côté de sa saison. Bah Nantes... Trois blessés en 20 minutes. On va faire un truc pareil. Deux gardiens différents. Un coup t'as de Préville, un coup t'as un autre. D'ailleurs, si t'aimes pas la Ligue 1, tu tombes amoureux dimanche après-midi. C'était génial. Alors, juste, il faudrait que tu baisses un petit peu mon micro parce que paraît-il que le chat nous dit que mon micro est trop fort. C'est lequel le tien? C'est le blanc. C'est le... Je baisse. Le bleu, ouais, le bleu ou le blanc. Je prends bonne note. Là, j'ai baissé, ça devrait aller un peu mieux. Tu fais attention à comment je parle dans le micro. Non. Moi, il y a un truc qui va m'insupporter et si ça continue, on fera les enseignements de ce début de championnat à partir de la 12e journée. Savoir qui est décroché au bout de deux matchs, j'ai envie de dire, j'ai pas envie de l'appliquer à Bordeaux, je vais ni l'appliquer à Nantes, ni l'appliquer à Lille. Non, mais pas. T'as raison, Marc, mais quand même, force est de constater, certes, ce n'est que la 2e journée, mais par exemple, je prends le cas de Nice. Avec ces deux défaites, Nice a quand même déjà, eux, potentiellement 6 points de retard sur leurs principaux concurrents. Nice a joué la Ligue des Champions, a commencé son championnat très tôt. Je suis d'accord. Et le paye un peu. Bordeaux a fait une préparation physique très forte, s'est fait éliminer comme des couillons. Vous verrez qu'en septembre-octobre, on ira bien mieux que certains de nos concurrents. Donc, pour l'instant, on est trop sur du début. Lyon a l'air tout flamboyant. Des équipes qui, pendant un mois, ont été énormes et se sont ensuite écroulées. Mais allez pas chercher très loin. Regardons juste notre club. La première saison de Willy Sagnol. Le premier match, on gagne contre Monaco. On met un 4-1 derrière. Enfin, on est énorme. Mais au final, on n'est pas énorme longtemps. Donc, on va juste raison garder. Analyser chacun des adversaires qu'on a rencontrés. Bordeaux n'a rencontré que Angers. Et Metz. Lyon n'a pas rencontré non plus des cadors. Ils vont se rencontrer la semaine prochaine. Ça fera pas non plus une analyse du championnat pour le. Ça fera donnera aucun indicatif. Et il y a Paris c'est qui va arriver vite aussi. Du championnat. patience, attendons 12 journées que les équipes soient un peu plus en forme. Et là, on recommencera à avoir une idée de ce à quoi ça ressemblait. Adrien, mais c'est vrai que sur l'enseignement de l'équipe et sur en tirer une conclusion sur la saison qui va être faite, c'est être actif. Mais après, nous, Bordeaux, ce qui est intéressant, et on l'avait eu l'an dernier, même si sur le mois de décembre, ça c'était compliqué. On a passé la plupart de la saison dans la première partie. En rassurant, ça veut dire que même si t'es pas dans les places européennes et tout ça, c'est que t'es proche et il faut toujours rester proche. Il vaut mieux commencer. Le match contre Lyon est aussi important parce que si tu le perds, alors t'auras déjà plus de 3 points d'écart avec certains de tes concurrents. Donc ça peut être gênant. Si tu fais match nul, t'es toujours sur ton rythme de 2 points par match et ça peut être très intéressant. Et l'an dernier, on avait eu ce souci. On avait commencé par un premier match, on a gagné, après une défaite. On était plus irrégulier. Si on peut faire des matchs, alors pas forcément toujours exceptionnels, mais on est à un niveau à peu près proche sur chaque match, assez constant, et qu'on arrive à faire une victoire et un nul et peut-être des fois réussir à enchaîner une série, ça peut être intéressant. Élise, ton avis sur le sujet ? Moi, je me disais que vous étiez censé aller vite sur le récap si vous vouliez avoir le temps de tout faire. Ouais, mais en fait, là, je crois que c'est définitivement foutu. Non, mais tu peux pas juger de la saison à venir sur 2 matchs. Combien de fois Lyon en début de saison est 17e, 18e et qu'ils nous ont tous minables à mesure de l'année. Lyon est constante, finissent toujours dans les 4 premiers. Mmh. Oui, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que tu peux te dire que Nantes ne peut que progresser. Après, c'est vrai que le vestiaire, est-ce qu'ils vont continuer à s'accrocher à ce qu'ils faisaient avec Conceição? Est-ce qu'ils vont adhérer à la méthode Ranieri? Lille, tout le monde est en train de se palucher parce que c'est bien ça. Marseille, ah mon Dieu, il leur manque un buteur, mais vous avez vu le budget, ils ont construit une équipe qu'ils ont recrutée, c'est génial. Paris va défoncer tout le monde. Monaco, est-ce qu'ils vont garder Mbappé? Enfin, c'est un bordel monstre. Alors après, tu as des valeurs sûres. Tu sais qu'en haut du tableau, tu verras Paris, Monaco, Lyon. Moi, c'est les seules équipes sur lesquelles je mise. Nice, je sais pas. Alors, est-ce qu'ils sont encore dans la tête à la Coupe d'Europe? Mais ce que j'ai vu, c'était pas super. La vie sans Balotelli, c'est difficile. Sans Belanda, c'est difficile. Sans c'était quoi leur latéral aussi qui est parti? Pas Schneider. D'Albert, voilà, c'est difficile aussi. Que Dante a pas été génial. Que Cyprien est toujours pas là. Est-ce que Nice a pas marché sur l'eau l'année dernière, un petit peu en sur-régime? Ils ont fait peut-être la petite aussi. Saison à la Montpellier aussi. Quand ils ont été champions. Et puis après, Nice va rentrer dans le rang cette année. Et puis ils vont finir peut-être en 8-9e. J'ai vu quasiment tous les matchs. Je me souviens, le multi, je me suis focalisé sur Bordeaux. Mais il faut dire aussi que 3 a très bien joué. Ils ont fait un très bon match. Que 3 a super bien joué. Même Strasbourg, c'était agréable, ça change. Et on y reviendra dans... À ceux qui mettaient le bus en arrivant, mais 3 a très bien joué et mérite carrément sa victoire. Et on y reviendra dans 2 semaines. Il faudra faire attention également à ce match à domicile. Avec au prochain notamment match à l'attaquant Adam Anian, qui était meilleur attaquant de Ligue 2 l'an dernier avec 23 buts et qui là fait un but, une passe D. Après, on sait tous que ce genre d'équipe, ça peut marcher au début, mais qu'à force de jouer, ça finit par faire punir et ça redescend souvent en Ligue 2. Mais à voir, mais ils ont super bien joué le coup vendredi et ils méritent totalement leur victoire. Nice, c'était depuis 2 matchs, c'est pas génial. Puis d'ailleurs, quand ils pensent, ils n'ont toujours pas de victoire depuis le début de la saison parce que la qualification face à l'Ajax, c'est 2 matchs nuls. Hein. C'est vrai, ils n'ont pas gagné un seul match officiel encore. Ils n'ont pas gagné un seul match encore depuis la reprise. Donc bon, moi je te dis, t'as Paris, Monaco, Lyon. Et puis derrière, on verra Saint-Étienne. Bon, on dit que c'est la méthode Garcia. Ce que je vois, c'est qu'ils gagnent surtout à la méthode Galtier, c'est-à-dire 1-0, pas plus. Oui, alors ça, oui, j'ai revu le match et le résultat, j'ai dit bon, en fait, il n'y a pas grand chose qui a changé à Saint-Étienne. C'est les restes qu'il avait laissés dans le vestiaire. C'est ça. Non, mais il te dit aussi, Garcia, que lui, ça fait un mois qu'il est là, qu'il ne peut pas tout changer non plus. T'as claquement de doigts. Oui, ça va prendre un petit peu de temps. Mais d'ailleurs, on va être très rapidement fixé parce que j'ai vu rapido, hop là, je prends le petit calendrier. En dehors du fait que Bordeaux va jouer Lyon très rapidement, à la prochaine journée. Vous avez Nice qui reçoit Guingamp, ça va pas être simple non plus pour les Niçois. Vous avez Saint-Étienne qui reçoit Amiens. Mais Nice, en plus, ils ont Naples cette semaine. Et en plus, et bien vu Cyril, et ils ont le match aller, c'est à Naples ou ils reçoivent Naples? Ils reçoivent Naples. Ils reçoivent Naples. Sans Schneider, sans Balotelli. Et sans Balotelli. Vous avez sans Lille. Sans leurs supporters. Et sans leurs supporters. Et Lille qui reçoit quand même Marseille qui reçoit Angers. A priori, c'est des matchs abordables pour les quatre que je vous ai cités. C'est abordable. Nice-Guingamp, Lille-Caen, Marseille-Angers et Saint-Étienne, c'est abordable. Sauf pour Lyon. Lyon, ils n'ont pas un match abordable. Mais voilà, le gros match du week-end, ça sera Lyon-Bordeaux et non pas PSG-Toulouse. Tu peux arrêter de parler de ce match. Ouais. Ah, alors, toi, tu y seras, Élise, donc tu seras notre envoyé. Moi, j'y serai. Notre ouais. envoyé spécial en direct. Du courage. Ouais. Alors, attends, je suis en tribune latérale. Prépare les Kleenex. Un peu prout-prout, pas loin de l'officiel. Par contre, moi, je pensais me pointer peut-être éventuellement avec une écharpe. Et puis, vu ce qui s'est passé, je pense que je vais surtout me faire toute petite, tu vois. Dans c'est ça. Et puis, si tu vois Jean-Michemuche, ben écoute, tu ne passes pas le bonjour de ma part. Je vais voir si effectivement l'outil est très bien connecté. On va voir. Hein. Ça va bien que d'avoir le Wi-Fi pendant le match. Mais je vais pas là-bas pour souffrir. Ça okay sert à pas grand-chose d'avoir le Wi-Fi au stade. Bon, c'est jamais. Bon, hey, moi, perso, à ce nouveau stade, j'ai jamais réussi à faire marcher. Bref, messieurs, moi, j'ai réussi. 22h42, je crois qu'il est grand temps de passer à ce qui est la partie, je pense, la plus intellectuelle de cette émission. C'est-à-dire le C'est Kiki. Élise, est-ce que tu veux faire le C'est Kiki? Bah, il est 22h42, donc soit on parle de Roland, soit on s'appelle C'est Kiki. Moi, pour Roland, je peux te la faire très courte. Allez, rapide. Tu me gonfles, va-t'en. Je peux te faire autre chose. On est allé au Hayan tout à l'heure, donc on a parlé vite fait avec lui. Grosso modo, le club lui interdit de parler de sa situation. On a demandé une interview, il n'a pas le droit d'intervenir, le club refuse les demandes. Voilà. Donc voilà, et. Enfin, on va voir comment ça se passe pour lui, mais je ne l'ai pas trouvé super bien. Je ne l'ai pas trouvé très souriant. Il est encore venu aux autographes. Mmh. Il est venu nous voir pour parler. On lui a parlé justement, on lui a dit voilà, est-ce que tu pourras intervenir? Il nous a dit non, je ne peux pas, le club ne veut pas et refuse toutes les demandes, ce n'est pas que contre vous. Ce à quoi on lui a dit on aime en dehors du mercato parce que la situation est délicate pour lui. Maintenant, moi, ça commence à m'énerver. Ton attitude, Élise, ressemble à toutes celles des autres qui m'agacent. Tu m'énerves, casse-toi. Ben, le mec, il a un an de contrat. Il n'est pas obligé de partir. Il n'est pas obligé d'accepter un club de seconde zone anglaise. Mais parce qu'il veut pas mieux, Marc, putain. Mais il n'est pas obligé d'accepter. Et le truc, c'est que moi, ce qui m'énerve, c'est qu'il dit « je veux partir ». Il dit rien. Il a manifesté. Non, Marc, il l'avait dit à Bin la saison dernière, en fin de saison. Il a manifesté. Je veux partir, je veux aller tenter ma chance. Il a manifesté en fin de saison dernière et à la reprise son envie de partir. L'intimité de ce qui s'est passé, personne n'est au courant de rien, mais tout le monde a un avis. Moi, ça me gave. Le joueur, le coach, tout le monde à Bordeaux a dit tant que cette situation n'est pas réglée, il ne jouera pas. Je pense qu'il n'a pas fait une sortie depuis 3 mois où il râle parce qu'il ne joue pas. Il n'a rien dit, il est exemplaire, il ne dit que dalle et tout le monde lui en met plein la gueule. Le joueur est sous contrat, il a encore un an de contrat, que ça plaise aux gens ou pas. Et on n'avait qu'à pas lui faire signer un contrat si long si on ne le voulait pas. Bordeaux a qu'à assumer. Bordeaux a qu'à le vendre il y a 2 ans. Si Bordeaux avait peur de se retrouver dans cette situation-là maintenant, Bordeaux a mal géré son coup. Le joueur, encore qu'on le veuille ou non, il a un contrat. Si on faisait la même chose à des gens dans le courant, on leur dirait, en fait, on ne te veut plus. Alors casse-toi, mais dégage, hein, parce qu'on en a vraiment marre. T'es vraiment qu'un con, hein, vraiment casse-toi. On trouverait ça scandaleux. Et on est en train de faire la même chose à un joueur de foot, mais tout le monde trouve ça normal parce que c'est un joueur de foot. Allez, on va dire une chose clairement, c'est que déjà moi je différencie le joueur de l'homme. J'ai jamais insulté l'homme. Mais c'est pareil, merde. Non, c'est pas pareil. Bah, si. Si ça se trouve c'est un homme adorable, c'est comme Sané. Ça se trouve c'est un mec adorable, super sympa. Il y a pas de problème en dehors du foot. Sauf que moi l'agacement que j'ai vis-à-vis de lui ne date pas de il y a 3 semaines. Moi c'est un joueur qui m'agace depuis un moment dans son inconstance. Alors c'est vrai, le club peut se mordre les doigts parce qu'il y a quelques années on aurait pu le vendre, on a préféré le faire prolonger, on s'en prendra qu'à nous-mêmes. Sauf que moi ça m'agace parce que le fait qu'il soit toujours là, c'est-à-dire que ce mec, tu vas peut-être, ce qui se passe avec lui, alors qui est responsable, qui n'est pas responsable, je m'en fous. Le fait est, c'est que ce mec, tu vas sans doute l'avoir sur les bras pour la saison. C'est-à-dire que tu auras un mec. Et c'est une bonne chose. Et donc, oui, pas. Sauf que pourrait ce partir, mec. Il pourrait partir cet hiver. Non, mais laisse-moi sur les bras. Si. Non, mais je te reprends sur ton expression sur les bras. C'est parce discriminant. Parce que, Marc, ça va. Tu es plus virulent que moi dans le passé. Tu vas pas me dire ça à moi. Discriminant de quoi? Le truc, c'est que. Genre, c'est un fardeau, le mec. Ah là là, je pense qu'il joue là à Bordeaux depuis 4 ans. Il a pas fait de problème. Mais bordel, tu vas me laisser finir, oui. Quand tu dis des bêtises, je te reprends. Tu m'excuseras. Parce qu'il a pas. Il a pas joué pour le moment. Il n'est pas dans le groupe. Apparemment, il n'a pas la tête à Bordeaux. Il la te faute bloque. La faute à qui? Non mais Marc, à un moment donné, est-ce que tu peux accepter que des gens ne pensent pas la comme faute... toi sans non, qu'ils aient forcément tort? La faute à qui? Répondons à la question. Pourquoi mais je dit, la actuelle ne joue pas? C'est juste la que... faute à qui? Ah, je tiens... Qui a décidé? Je tiens à parler après. Je tiens à intervenir de manière tout à fait anonyme. Je suis 100% d'accord avec Marc pour une fois. Non mais moi je tiens juste à dire par rapport à l'argument de l'inconstance. Aujourd'hui, si t'es pas inconstant, t'es pas à Bordeaux. Si t'es bon et que tu es constant, tu n'es pas à Bordeaux. Donc à Bordeaux, il n'y a pas un joueur qui est constant dans la dans la performance. Après, c'est clair que l'égoïsme, on va dire forcément du joueur, parce que même si je respecte son choix, il a quand même en vue une prime à la signature qui va être. C'est normal. Mais c'est égoïste. Mais il a le droit. Mais personne ne dit qu'il n'avait pas le droit. Et puis qui te dit que c'est vraiment ça? Qui te dit qu'il a vraiment ça dans la tête? Mais parce que c'est parce ça. Parce que personne ne sait rien. Quand bien même, comme le dit Marc, il a un contrat. Il a un contrat de X années. Si son contrat arrivait au bout, et bien il se barre gratos, et bien il prendra une prime ailleurs, et bien c'est tant mieux pour lui. On peut pas le virer, clairement. Mais par contre, on peut se permettre de pas le faire jouer. Je vais vous poser la question. J'ai pas de contraire sur le fait que pour l'instant, il joue pas. Il a dit qu'il voulait partir. Pour l'instant, on attend des offres. Il y a eu des offres, elles lui conviennent pas. Ouais, ça bouge pas. Mais surtout, il partira cet hiver. Et on verra en septembre ce qui se passe. Point. Mais le truc sur Twitter, il y a des gens qui sont allés jusqu'à c'est n'importe quoi. Non, mais après Twitter, tu trouves à boire et à manger. Je suis désolé. Le joueur, il m'énerve. Casse-toi. C'est exactement le même niveau. Mais non, mais si. Cyril a dit la même chose il y a deux semaines où il en a mis plein la gueule. Il a dit même pire et on n'a pas fait un scandale. Je dis toujours pire. J'ai trouvé déjà. Moi, j'avais été un peu. Je fais pas dans la demi-mesure. J'ai déjà réagi quand Cyril a parler et je trouve pas ça normal. Et je l'ai déjà dit et il faut encore que je le redise, je trouve ça totalement inadmissible ce genre de comportement. J'ai même repris le même truc, mais même sur Twitter, hein, parce que ça date pas de maintenant que je râle, hein, parce que vous avez qu'à remonter pour ceux qui ont vraiment la patience. J'ai tagué tout le monde quasiment en mettant que si ça avait été un truc. Mais que fait la CFDT si ça avait été une personne. La CFDT Oui, non, mais il compare ça avec. Si ça se passait dans le monde privé des entreprises, tout le monde aurait le scandale et on aurait raison. Donc, arrive un moment, je trouve que c'est pas normal. Joueur, il y en a beaucoup qui ont dit ah, genre, il refuse celui-là, mais tout. Mais attendez, excusez-moi, le joueur, il a encore le droit de refuser de la D2, quoi. Hein. Alors, le mot de la fin, il est pour Adrien, parce que ça fait 2 heures qu'il a le bras levé, tu as 2 minutes pour finir le sujet. On le laisse parler, Écoute-moi bien, mon grand, tu relances rien. Tu conclus. D'accord. Je dis. Mais ça, je sens que je vais la regretter, cette phrase, dans 20 secondes. Non, mais déjà, il met 10 ans pour parler. Mais c'est normal, vous arrêtez pas de me couper pour des choses inintéressantes. Concise et claire. Tu as 3 mots. Pourquoi on coupe pas son micro? Allez. Non, mais Roland, il faut pas l'insulter vu que c'est un joueur et il faut pas avoir envoyé à chaque fois et le signaler sur Twitter. C'est un engrenage sans fin. Ça sert à rien. C'est pas bon pour le club, pas bon pour le joueur non plus. Oui. Mais bon, les gens quand ils tweetent, ils comprennent pas ça. Qu'il y a peut-être une notion. Hein. Si un club est dans une bonne dynamique, ça peut être bon pour les joueurs aussi. D'accord. Et puis après, sur le fait qu'il parte ou non, son problème, c'est qu'il a mal géré le coup de dire « mais j'ai envie de partir » et il le paye cash maintenant. Et puis, au lieu de faire une ou deux phrases comme ça sur Twitter pour envoyer un message en disant « il faut jamais oublier tout ça », tu fais un communiqué clair. Mmh. Où tu dis voilà, j'ai envie de partir pour l'instant, je ne vais pas jouer. Je suis d'accord avec toi, le manque de communication c'est la porte ouverte à toutes les suppléments. Oui, non, mais Marc, on s'en fout de la faute à qui, on souligne juste ça. Il a fait 3 phrases, tu fais un tweet clair avec un communiqué, voilà. Et Gourvennec a été clair sur sa situation, il veut partir. Comme il veut partir, pour l'instant, il ne joue pas. Il y a le même cas à Monaco qui est en train de se mettre à bon place avec Mbappé. Avec Mbappé, pareil. Donc voilà. Mais il ne faut pas insulter le joueur. Bah, évidemment. Et s'il reste à la fin du mercato, il faudra essayer de le faire jouer déjà. Et essayer de ne mais qu'il ne parte pas sort avec zéro année de contrat et que nous on n'ait rien. Il faudrait pas non plus que ça foute un peu le White dans le vestiaire parce que vis-à-vis de ses copains qui eux sont en train de s'y filer sur le terrain et de pas faire de chichi sur les contrats et machin, faudrait pas non plus que ça le mette mal, mais ça après bref. Alors, c'est... De manière totalement Allez, anonyme, on termine. De manière totalement anonyme, j'aimerais juste à dire qu'on a récupéré Costil, hein. Il est parti pour gratos et il a pris directement le chèque de la signature, mais quel connard. Et puis pareil pour le ragueur, il a fait pareil. Franchement, je trouve ça honteux les gens qui font ça. Le ragueur, il est venu avec Costil, on parle d'un autre. Mais j'en parle à un autre parce que j'avais pas envie de taper que sur Costil. Le Chamac, il est parti gratos. Le Chamac, il est parti gratos, c'est tout le monde là-dessus. C'est tout le monde là-dessus. C'est insupportable cette voix. Juste un truc, c'est que Costil, on va pas rappeler le nombre d'années qu'il a passé à Rennes. C'est clair. Donc je pense que le cas est un peu différent. Allez, mais il a prévenu. Et Carasso, je savais que j'aurais pas dû penser. Carasso est parti sans année de contrat, direct comme ça. Il va prendre nos primes à la signature. Je trouve ça dégueulasse. Et là où on est tellement intelligent, c'est qu'on va le reprendre. Il est venu chouiner hier soir. Ouais, on en reparlera notre. Et pourtant, Dieu sait que je l'aime et que j'ai versé ma larme. Alors, on va passer, messieurs, mademoiselles, au moment culturel de cette émission. Qui s'appelle le Zekiki. Si l'un de vous, messieurs, le plus près de la boîte peut choper de quoi noter le score et le nom des équipes, c'est parti. Élise, est-ce que tu veux jouer avec une des deux équipes? On n'a rien compris ce qu'on a dit sur Costil, mais je pense que c'est pas grave, c'était qu'une connerie. Ok, stop, Zekiki. C'est le Kiki. T'es la Kiki de tous les Kiki, c'est le Kiki. Eh oui, ah, mais il est où le Kiki d'ailleurs ce soir? Ah, bah non, Enzo est pas là. Oh putain! Eh oui, y'a pas le Kiki d'Enzo! C'est un peu embêtant! Et pourtant, le Kiki d'Enzo est plutôt pas mal! Hein. Allez, je coupe le micro bleu, Adrien, tu te rapproches de Cyril. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, pardon! Alors, Élise, je vais couper cette musique insupportable. Élise, je te laisse le choix. Soit tu joues pour toi-même. Soit tu décides de jouer pour une des deux équipes, c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu trouves une bonne réponse, tu accordes ton point soit à l'équipe Cyril-Adrien, soit à l'équipe David. C'est ça, c'est David. Oui, je suis perdu. David, excuse-moi. Un indice, dans l'équipe d'en face, il y a Marc. David, Marc. Alors voilà, donc on fait comme ça, ça te va. Si tu trouves une bonne réponse, tu choisiras à qui tu donnes ton point. Messieurs, si ça concerne le match de ce week-end, évidemment, je vous le précise, messieurs et mademoiselles. S'il vous plaît, vous vous battrez dehors. Allez, on commence. C'est qui qui dit écoutez bien. À Angers, on avait été plus performant là où on avait eu des manques. J'ai entendu Argourvenec, c'est ça? Oui. C'est pas ça. Sans carré. Non, cette fois-ci, on était mieux dans le jeu, surtout en deuxième. Toulalant. Bien joué, Élise. Jérémy Toulalant. Ça pue le discours de capitaine. Élise, tu es dans quelle équipe, toi? Veux-tu accorder ton point à une des deux équipes ou tu le dis, mon point, je le garde pour moi? Salut, Élise. Je le donne à Cyril, mon point. Oh, mais non. Ah, Cyril. Ça sent le vieux. Non, mais c'est qu'en fait, ce genre de discours, ça pue le discours de capitaine, quand même, on est d'accord. Ça y ressemblait un petit peu, quand même. C'est qui qui dit ça. Attendez. Même s'ils ont toujours essayé de jouer, on n'a pas senti qu'on était en danger en seconde. Yves Berger. Et Élise marque. Enfin, trouve une deuxième bonne réponse, puisque c'est Philippe Yves Berger. Tu sais que le nom, il était difficile à venir. Hein. L'entraîneur. Ouais, je me suis dit, pour certains autour de la table, ils m'auraient dit l'entraîneur de Metz, ça passait aussi. Parce que Yves Berger, ça commence à être compliqué. J'ai lu plein de fois ce truc-là. Pareil, le point. Qu'en fais-tu? Salut. À l'autre équipe, on va faire un partout. Allez, Marc David, vous marquez un point. C'est qui dit, s'il vous plaît, écoutez bien, je me sens bien face à Metz, c'est toute l'équipe qui a très... Vada. Non, c'est pas Vada, qui a très bien joué. Alors, vous m'avez dit, c'est pas... Sans carré, non, à droite, vous avez dit sans carré aussi, c'était pas ça. Sabali. Non. Pelna. Non. Non. Les ragueurs. Qui a dit Malcolm? C'est Marc David, vous marquez le point. Il dit, je me sens libre, le coach m'a dit de jouer libre. Ce qu'il y a de bien, c'est que... Ah, t'aurais été plus loin, je l'aurais trouvé. On sait qu'il y a un jeu de C'est Kiki, et ce qu'il y a de marrant, ça fait un an qu'on le fait, et on lit toujours pas les brèves. C'est vrai qu'on y pense jamais, mais on le sait pourtant. Mais non. c'est con. Il manquait plus que Costil et Mendy. Non, mais c'est vrai, tu sais. C'est tout, on le sait. Non, mais en fait, les mecs, on sait très bien que vous, vous bossez pas, vous balancez tous les noms comme ça, puis jamais ça passe. Ah, mais les gens croient qu'on bosse, mais. Surtout Adrien. Ah, mais on arrive à 8h à la radio le matin. Comme faut pas croire. Le seul truc qu'on fait dans la journée, c'est qu'on envoie des messages à De Taverneau pour avoir un like. Qui ne tente rien n'a rien. C'est qui dit, messieurs, alors il parle à propos de Cafu. Non, je ne le connaissais pas. Non, car il est parti très. Voilà, Malcolm, back to back. Celui-là, je l'avais lu. C'est Malcolm qui dit, voilà, il est parti très jeune du Brésil, c'est un joueur avec beaucoup de qualité, il va nous aider, c'est sûr, et on pourra aussi compter sur Otavio. J'ai eu l'occasion de jouer contre lui au Brésil. Il nous dit voilà, qu'il a de bonnes impressions sur Cafu et, entre parenthèses, pour ceux qui sont sur Insta, les réseaux sociaux, ça, la bromance Malcolm, Otavio, Cafu, ça va être énorme cette saison. Ah, il peut y avoir des trucs marrants entre les trois Brésiliens. Mais les trois, ils sont déjà fourrés ensemble, c'est magique. Alors, on continue. Bon, j'ai pas fait un C'est qui très très chargé. Il y en a encore 5-6 qui vont tomber. Tiens, c'est qui dit. J'espère que vous avez bien lu vos brèves et révisé vos trucs. C'est qui dit. Vous savez, c'est toujours compliqué car on n'est pas dans le quotidien du club, donc on ne s'aperçoit des. Qui a dit Gaëtan Huard? Voilà, c'était très simple. Il suffisait juste d'écouter l'émission. Il était, et accessoirement, on était tous. Quasiment autour de la table à part David, donc c'est Gaëtan Huard. Autour de la table alors qu'il n'y avait pas de table. Dans l'excellente petite interview audio que vous pourrez retrouver, ah oui, Marc, sur. Excellente interview, les garçons, ça fait très plaisir de les entendre. Ouais. Là, puis j'adore quand Huard il dit on en parlant des Girondins, c'est. Normal. Voilà, c'est toujours. Puis en plus, il est d'accord avec moi sur l'attaquant. Marc, l'interview. Quand tu repenses au jour où un Bordeaux-M il a fait un fuck à Ferrari quand il a loupé un péno, c'était fabuleux. Marc, l'interview qu'on pourra retrouver sur. Le site, c'est pas grave. Girondin 33, relayé sur Twitter, relayé voilà. Sur Facebook. Ok, il n'y a pas de YouTube, il n'y a pas de machin. Non, ça sera okay. Le site archive.org. Comme ça, vous pouvez télécharger le MP3 et l'écouter. Ça va être plein de formats différents en plus. Parfait. Ça va être une question de rapidité, messieurs. Écoutez bien, mademoiselle. On dit souvent que Bordeaux est un club d'anonymes, mais là au moins c'est. Il est là, Cyril. J'étais en Élise, mais Cyril a été plus prompt et plus rapide. C'était dans J+1 l'autre. Exactement, c'était dans la première de la saison de Julien Cazard dans J+1, oui. D'ailleurs, Touriol qui a présenté le livre de Julien B. Et Touriol qui a présenté le livre de Julien B et Laurent Brun, qu'il faut que je me procure d'ailleurs. Je crois supporter des Girondins. Avant qu'ils sortent le seuil, Julien B et Laurent Brun, à qui on proposera sûrement une invitation pour la sortie de leur tome 2 de leurs aventures bordelaises. Je crois que c'est sur l'Escure le deuxième. Oui, c'est les légendes de l'Escure. Tiens, un petit point statistique, messieurs, dames. C'est moi qui ai sorti, tu peux pas. Quoi, c'est toi qui es sorti? Je vois la stat que tu veux sortir. Si j'ai pas le point, c'est un scandale. Ah bah, ça, c'est ton problème, mon petit bonhomme. Moi, j'y peux rien. On est tout chaud, là. On la connaît tous, la statistique. C'est pas la même. Du coup, je me dis, ça va être un boxon pour savoir qui marque le point. Non, c'est pas la même. Ah ouais, non, mais juste pour qu'il est tort. Les deux buteurs de. 13, 6 sur 5 carrés. Mais c'est moi qui l'ai sorti, ça. Alors ça compte pas, c'est moi, non. Mais non, ouais, c'est gamelle. Bon, bah ouais, non, mais bon, la réponse est là, donc je suis obligé de l'accorder. Je suis désolé. Tiens, quelque chose qui a rien à voir avec le match de ce week-end, mais qui s'est quand même passé ce week-end. Les féminines. 5-1 perdu contre. Stop ta gueule! Non mais Adrien, à un moment donné, les questions, c'est moi qui les pose. Tu vois, là, à la limite, tu vois, si vraiment je veux chier, je t'enlève le point, tu vois. Si vraiment je veux chier. Chi. Mais non, je vais faire mieux que ça, je vais annuler la question et comme ça personne ne marquera le point. Non. La question c'était contre quelle équipe? T'aurais fermé ta bouche, tu m'aurais répondu la Real Sociedad, t'aurais eu le point. Mais là j'annule le point. Mais moi je dis Real Sociedad. Mais Julien le faire, surtout qu'il n'y avait que nous qui savions. Surtout qu'il y a de très fortes chances qu'il ne le savait pas. Sur Twitter, il pose des questions, il répond à l'antenne après lui. Messieurs, sur le match de ce week-end, qui a dit le début de match a été un peu poussif? Non. Sabali. Non, mais ils ont accès. Oui, Pierre Ménez, il est là, Cyril, à gauche, c'était facile. Il y a toujours un petit. Un classique. Toujours, voilà, c'est un qui revient souvent. Il y a combien au. Il y a combien au. Combien 6-2. Et sinon, à droite, ça vous dit de participer ou comment ça se passe? Non. Et sans Élise. Moi, j'en ai rien à foutre parce que le jeu est truqué, déjà, de base. Alors, il reste 3 points à prendre. Oh, la mauvaise foi. Et nous voulions. Écoutez bien, s'il vous plaît, vous connaissez tous cette personne. Écoutez bien, c'est qui dit la manière dont on est traité, c'est parfois ahurissant en termes d'outrage à la liberté. On peut se retrouver à. Laurent Bernier. Non, t'as dit qui, David? B. Non. Florian Brunet. Non, t'as dit qui, Adrien? C'est Romain Manchi. Dans l'équipe. Voilà, dans l'équipe. Donc, dans... encore une fois, une preuve que le jeu est biaisé. Ce personnage qui est en face de moi est en train de tuer le jeu. Dans l'excellente interview que vous pouvez retrouver dans l'équipe, il me semble, si je dis pas de bêtises. C'est France Football. T'es sûr que c'est pas l'équipe? Non, il a une double page dans France Football. C'est dans l'équipe aussi. Dans l'équipe. Ouh, l'équipe, je suis sûr. France Foot, je suis moins sûr, mais pourquoi pas. Je crois que c'était France Football. Pourquoi pas, après tout. Tiens, ah, bah tiens. Alors là, honnêtement, c'est vraiment pour dire, je rajoute un point de plus, mais bon. Vous allez me dire qui est Jérémy Stina. L'arbitre Jérémy Stina de Lorient. Et il a été formé au Girondins de Bordeaux. Qui est Jérémy Stina? J'attendais cette réponse au mot près, Cyril. Oui, c'était juste Merci, pour la petite histoire. Romain, comme Alors, le mec de Canal qui a un nom composé. Non, mais c'est quand même son histoire est quand même pas banale à ce monsieur, puisque Jérémy Stina, s'il vous plaît, Jérémy Stina a 38 ans. Et en fait, il est natif de Chartres, il a été formé au Girondins, ancien défenseur de Valence, Laval, Grenoble et Sedan. Il a 38 ans et il continue donc sa reconversion pour devenir arbitre. Il a été nommé meilleur arbitre de National la saison dernière et il officie désormais en Ligue 2. Et il a arbitré le match de la soirée en Ligue 2, Lorient-Châteauroux. Voilà. C'est un très beau match d'ailleurs. Bah oui, ça a fini à 3-0 pour Lorient, c'est ça. 3-0 dans la deuxième mi-temps. Comme quoi Les trois buts dans la deuxième mi-temps, et franchement, c'était. Ben, Châteauroux, c'est carrément effondré, mais derrière, par contre, la pelouse de Lorient, c'est n'importe quoi. Il n'y a pas un champignon? Comme quoi, ah, la vache. Comme quoi on peut être un ancien joueur de football et avoir une bonne reconversion. C'est rare les joueurs qui mais se reconvertissent en tant qu'arbitre, mais pourquoi pas. Il y en a coupe des barres, il y a un arbitre en ce moment qui est. Bon, j'avais prévu la question subsidiaire pour vous départager. Allez. Sur le nombre de spectateurs au stade, mais étant donné qu'il y a 22 000 et des brouettes. 22 093. 22 046. Bon, allez, on va leur accorder. Non, c'est ça, c'est la bonne réponse. Bon, ah, ça vous dépend en plus. Ça fait, ouais, mais quand bien même, ça fait quand même que 7 à 5. Ça vous dépend en plus. Ça vaut beaucoup de points en plus. C'est ça, oui. 22 000, ça vaut 22 000. Adrien, score final, mon petit. 7-3. C'est correct. Et en sachant qu'il n'y a pas le point des féminines, d'ailleurs, une pensée pour les féminines qui continuent leur préparation. Oui. Et qui vont voir arriver dans leur rang mercredi, peut-être, Margot Dumont. Et nous vous tiendrons. S'il te plaît, Marc, arrête, je te promets. C'est pas peut-être, c'est sûr. Elle arrive mercredi. T'as plus Jingle Tiger. Elle arrive mercredi. Ah, si, je l'ai, oui. Oui, Cyril. Elle arrive mercredi et pour deux jours, donc du mercredi à vendredi, si vous allez voir les féminines, vous verrez Margot Dumont. Alors, est-ce qu'il y aura un reportage Bein? Est-ce qu'elle fait vraiment un test? On ne sait pas. Est-ce que l'équipe de Girondins Analyse va peut-être lui proposer quelque chose? On ne sait pas. On verra. Non, mais de toute façon, laissez tomber Neymar, la recrue du siècle. Ah, de toute façon, à part David qui parle plus ou moins portugais, on n'est pas super calé sur le portugais. Du siècle, peut-être pas. Je te rassure, Canal n'est pas porté sur l'espagnol non plus. Ouais. Si, il y a Paganelli. Vous l'avez pas entendu encore. Mais... Ah, il a dû. J'ai pas vu le match, mais il a dû être génial, Paganelli. Paganelli, il va être magique dans un interview mi-italien, mi-espagnol, mi-français, mi-anglais, mi-local. Ça vaudra jamais Jourdain. C'est pas très gentil pour moi. De quoi? J'ai pas compris. L'interview de Jourdain avec Nancy, tu l'as pas entendu, toi? C'est non. L'interview du millénaire et tu l'as pas entendu. Enfin, non, mais c'est vrai que Paga qui va essayer de parler à Neymar, ça va être quelque chose, pour ça va avoir son lot de cacahuètes. 23h04. Are you très happy of your golasson, hein? Et on te le souhaite. Messieurs, dames, 23h04, on va se quitter là-dessus. Élise, est-ce que tu. Oui, David, qu'est-ce qu'il y a? Je tiens à dire que la personne en face de moi est un affreux personnage. C'est. Se couvrir d'anonymat parce que j'ai un masque. Oui. Faut finir ta phrase maintenant. Quand on a commencé comme ça, en général, faut aller au bout. Il y a découvert qu'il existe. Une blague pour la fin de l'émission. Oui, à la fin. Alors fais-la de suite, sauf si c'est trop fragile pour les petites oreilles d'Élise et de ta compagne ici présente. Non, c'est ma compagne qui me l'a raconté. Oh. Oh merde. Allez, vas-y, lance-toi, gamin. Ça vient de Nuit sans folie. Eh ben, accouche, parce que là, c'est un peu long quand même. Enlève le masque, Marc, je te promets, on comprend rien. Oui. Voilà. C'est un mec qui peut plus faire l'amour avec sa femme parce que sa femme a une mycose. Jusque là. Non, pas celle-là, tu nous le racontais. Non. Jusque là, tu vois, ça passe. Et un jour, elle attend dans la chambre, les jambes écartées. Et non, elle passe pas à l'antenne. Non. Non. Et elle lui dit qu'est-ce qui est jeune et qui attend. Mais non. Game over. Voilà, je crois qu'on va se quitter là-dessus, c'est plus sage. Non, bah, je sais même pas, Elise, je sais même pas comment si, moi, finir. Je peux enchaîner sur dire que ce que font les Girondins au niveau coup de com avec Margot Dumont, vu que c'en est un, ça permet de mettre un coup de projecteur sur les féminines. Si en plus il y a un reportage de Bein Sport, ça va être. Non, mais si en plus, donc. Adrien, si, il y a un. Elle en profite pour faire un reportage sur Bein Sport. Arrête. Mais. Avec ça, on va plus avoir d'Amazonie, quoi. Avec des si, je te coupe la tête. Et avec des si, on est champion en 2019. Alors c'est sympa, gars. Vu qu'on dit quelque chose d'intéressant sur l'exposition du football féminin et sur ce que ça peut apporter aux Girondins. Je et puis derrière, on est coupé. Comme quoi, il est. Et moi, je suis pas sûr que ça soit juste un simple coup de pub, les enfants, parce que pour un coup de pub, je trouve que ça va loin quand même. Mais c'est pas ça, c'est qu'Adrien, il fait un coup de pub sur les féminines tout en mettant un extrapolant. Oui, mais Adrien, il fait un coup de pub sur les féminines oui, parce puis reconnaissez... qu'il veut essayer de serrer une féminine si possible. Et puis reconnaissez que parler des féminines juste après la blague de Marc, c'est quand même de très bon goût. Allez, on va. La seule chose qu'on sait, par contre, réellement, c'est qu'elle vient faire un essai, que dans tous les cas, le club va communiquer dessus et en profitera pour aussi faire la promo, on l'espère, des féminines. Et je pense que les Girondins seraient bien avisés de faire un petit truc avec elle, donc sûrement de les suivre et compagnie. Et si elle a le niveau. Et puis il faut quand même pas oublier pour les gens. Le salaire qu'on lui propose est supérieur à ce qu'elle touche. Ah, bah, des salaires, les féminines. Bah, elles doivent toucher un petit peu quand même. Et puis il faut quand même pas oublier une chose, les enfants, c'est que pour les plus jeunes ou ceux qui peut-être connaissent pas bien le foot féminin, Margot Dumont est aujourd'hui. Elle a été pro il y a longtemps. Mais voilà, elle a été quand même joueuse professionnelle, donc elle est pas juste que c'est pas juste une journaliste qui dit tiens, je vais faire du foot. Elle sait ce que c'est s'entraîner et jouer des matchs de professionnels. Alors certes, ça fait combien, 6-7 ans qu'elle a arrêté. Elle joue en Allemagne, non Il me semble ici les Moulineaux. Elle sait ce que c'est. Elle n'a pas 45 ans. Hein. Elle est plus jeune que je crois la plupart d'entre nous autour de cette table. Donc, on a dit ça sur la tête. Non, mais je me dis, c'est peut-être pas. Pourquoi ça serait pas une bonne idée après tout? Pourquoi ça serait juste qu'un coup de com'? Si elle donne, satisfaction, ben en avant. Et ça sera une très bonne recrue. Et on essaiera de la faire venir dans Girondins. Et on essaiera de la faire venir dans Girondins. Allez, Élise, merci beaucoup. Je vous fais un bisou et je vous souhaite une très bonne émission vendredi soir parce que je ne pourrai pas vous écouter. Eh bah oui, puisque tu seras... Je serai déjà, si je ne me suis pas craché, si mon vol ne s'est pas écrasé dans la tête, je serai déjà en terre lyonnaise. Ouais. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne émission, t'aurais un pu bon match. Plus de points quand même, hein. Merci à toi. Et écoute, puis j'ai fait ce que j'ai pu. Et puis j'espère qu'on va se prendre au moins le match nul parce que j'y vais avec mon cousin. Il est supporter lyonnais. Alors si on se ramasse, je vais passer un très mauvais week-end. Je vais devoir me saouler la gueule. Le week-end va être sympa. Moi, je serai pas là vendredi. Et je pense que je vais vous abandonner pour plusieurs émissions. Après. On te fait des bisous, Elise. Oh, et puis on te dit à très bientôt. On va rater la tête de Marc. Bonne soirée, Elise. Bonne semaine. Ciao. Messieurs, avant de se quitter, je vais frapper le mec qui est à ma droite. Les phrases de fin. Déjà, il a un. Il faut savoir quand même qu'il. Je vais le décrire comment il est habillé. Il a une casquette en mode West, New York, t'as vu, rap. Non, c'est pas New York, c'est Golden State. Ouais, mais on s'en fout. Donc le club de Stephen Curry. West, ici, représentant de la famille, tu vois, bien. C'est Marc niveau géographie, je suis pas sûr que. Il a un espèce de t-shirt taille XXS, je sors de la muscu. Avec un short en tissu, genre je fais partie du monde d'Arcachon, tu vois, Cap Ferré, t'as vu, bien. Et ensuite, il a des claquettes en mode tatami, je fais du kung fu. Le triangle des Bermudas, quoi. Et on ne parlera pas des chaussures à fleurs de Marc, magnifique. Mais au moins, mon look est assumé de A à Z, c'est pas un assemblement de quatre trucs totalement divers. Oui, ça aussi, c'est pas mal, ça. Rassemblement. Il a fait venir ses habits au même endroit, il a fait jouer 4 volontaires pour aujourd'hui. Voilà. On va s'arrêter là-dessus si vous le voulez bien, parce que personnellement, je crois que j'ai dû perdre 4 litres d'eau là depuis le début de l'émission, tellement c'est un four ce studio. Les phrases de fin, Cyril. Didier Sénac, le seul unique. Didier Sénac, voilà. C'est pas bien. Allez, on refait. Les phrases de fin, Cyril. Le seul unique Didier Sénac et. Des claques. Et voilà, foulard des claques. Et voilà, et juste. Tu crois qu'on peut l'avoir, lui, dans le GA? Mais j'aimerais bien. Si un jour. Si on sait comment le contacter. Et franchement, si Nicolas, tu nous écoutes, ben Nicolas, on a besoin de toi, faut que tu viennes à GA. Ben Nicolas de Taverneau. Ah oui, d'ailleurs, on avait un petit sondage. Allez voter pour Nicolas de Taverneau parce qu'on veut se servir pour dire regardez, il faut qu'il vienne. Les gens, ils ont choisi. Sachant qu'on a demandé Gourvenec, Martin, Ramé ou Taverneau, donc au moins. J'allais dire, franchement, s'il fallait pousser le vice jusqu'au bout, tu mettais 4 fois Nicolas de Taverneau. On était sûr qu'à 100%, les gens auraient voté pour lui. Bah oui. Ouais, tu vois, il vient d'y penser, il va se dire je vais refaire le sondage. Bah oui. Tu mets 4 fois son nom, t'es sûr qu'il y a 100% des gens qui voteront pour lui. Je refais un vote. On fait des primaires avant ou pas? Oui, mais c'est là Adrien. Pour la démocratie. Toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort. David. 99, 2009, 2019. Arc. Il y a le droit des applaudissements? Ouais, je me dis, je savais pas quoi mettre. T'as une ovation là dans le stock ou pas? Ah bah j'ai non, j'ai applaudissements, mais je peux chercher ovation si tu veux. Parce que j'ai une autre blague. Alors, non, les blagues c'est fini. Mais si, celle de la. Non, pas celle-là. Bon, allez, vas-y, mais vraiment, allez, mais rapide. Elle est pas très longue. Rapide. C'est un mec qui rentre dans son immeuble et au quatrième étage, il y a une coupure d'électricité, donc pas d'ascenseur et pas de lumière dans les cages d'escalier. Et puis il monte jusqu'à chez lui, il entend une petite voix, il fait une cigarette contre une fellation. Puis il n'entend pas très bien. Et puis, alors, une cigarette contre une fellation. Et après, le mec, il veut nous dire ils veulent pas nous donner des joueurs, le club. Et donc, ah, mais ça se trouve, c'était bonjour. Et donc, il dit bon, pourquoi pas. Donc, voilà, l'action se passe parce qu'on a la radio et je peux pas non plus tout dire. Donc, vous imaginerez. Et puis, ça va. Et puis, au moment où il entend. Tu peux tout dire parce qu'après, tout ce que t'as dit déjà. Et puis, c'est le mec, il a déjà tué 5 personnes, mais la 6ème. Non, attends, là, je suis pas. Quand même. Et puis, je suis pas meurtrier, quoi. Il repart dans sa montée des marches et il entend ma cigarette. Il fait ah oui, c'est vrai, je t'ai oublié. Donc, il lui donne la cigarette. Et est-ce que vous auriez pas un peu de feu? Donc il prend son briquet, il allume et il fait et là il voit sa fille, il fait mais depuis quand tu fumes? Quand tu fumes, voilà. Et on vous laisse tout de suite avec Brigitte Lahaye. L'amour est vous. Et ce qu'il y a d'énorme, c'est quand il a commencé la blague, il y a Mélie qui s'est pris la tête à deux mains et qui a dit mais il va pas raconter celle-là. Et je vous dirai pas ce qu'il y a d'énorme. Vous savez. Et il y a l'histoire des nains. Et ça, je l'ai raconté sur une émission des 8 vous ans. Vous savez, des fois dans la vie, il y a des moments. D'ailleurs, l'émission des 8 ans, 10 septembre. Non, d'ailleurs, c'était le 9 octobre. Alors, le 9 octobre 2009, j'ai annexé. Bah non, mais soyons honnêtes envers nos auditeurs. L'émission des 8 ans, à la base, ça devait être l'émission des 5 ans. Donc je pense que l'émission des 10 ans, ça sera l'émission des 8 ans. Mais c'est que l'émission des. Franchement, le 9 octobre 2017, ça tombe un lundi. Parfait. Donc, il y a quand même moyen de faire un truc marrant. Mais si on va plus loin, si on va vraiment à la bonne au 16 année, octobre. Mais non, c'est-à-dire que je vais plus loin que ça. Je vais en 2019. En octobre 2019. Ça sera le 9 tombe un mercredi. Donc ça pue un peu quand même. Vous avouez que ça sent la merde. Ça sera les 10 ans, c'est ça? Mais ça sera les 10 ans. Mais on va faire une émission avant parce qu'on doit la faire tellement longtemps. Et je raconterai ma blague des nains sur un monologue de 2h à 3h du matin. Pas de problème. Ça sera bonne nuit les petits. Allez messieurs, pour ma part ça sera comme d'habitude Girondin, c'est pour toi que tu joues mais c'est Bordeaux que tu représentes. Merci à vous de nous avoir suivis, merci de nous être fidèles, merci aux amis de Chatter. Si, si, j'ai une vraie phrase. Snakil, tu m'as juste foutu un vent phénoménal sur la fanzone. Je t'appelle, il vient, il dit bonjour à Rico et il se casse. Snakil qui intervient en après-match, j'ai entendu ça l'autre jour chez Gold. Bon recrutement. Bien messieurs, merci à vous d'avoir été présents ce soir. Merci à la demoiselle assise sur le fauteuil qui a dû s'en faffer 2 heures de. Elle a bien fait 2 crises cardiaques. Qui a eu le temps 2 fois de pleurer et de vider 2 paquets de Kleenex. Merci à Elise qu'on a eu au téléphone. Merci aux amis du chat. Elle se marie en plus samedi. Et merci à vous qui êtes derrière votre radio, dans votre voiture, n'importe où. Merci de nous être fidèles. On se retrouve vendredi 21h-23h pour l'avant-match de Lyon. Ça va être sympa. Avec peut-être un ou deux invités. On va essayer de gérer ça cette semaine. Un ou deux invités prestigieux au téléphone. Allez, on vous souhaite une bonne soirée. Une bonne semaine, bon voilà, bon tout ce que vous voulez, et allez Bordeaux.